Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons changer complètement de sujet pour plonger dans le génome, le plus exactement le génome de l'homme. Alors pas celui de la femme puisqu'on va s'intéresser au chromosome Y. Mustapha Alor, que nous retrouvons avec plaisir à Futur Simple, va nous dire si nous avons vraiment besoin du chromosome Y. Bonjour Mustapha. Bonjour Valérie. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce chromosome Y? Donc, je vous rapporte dans la chronique d'aujourd'hui les résultats d'une étude américaine très récente, publiée dans la prestigieuse revue Science le 21 novembre dernier. Ouais, puis il s'agit de quoi? Quel est l'objet de l'étude? En fait, pour commencer, pour mettre un peu en contexte nos auditeurs, ouais, il faut savoir que le sexe est globalement déterminé par deux chromosomes, le X et le Y. L'homme, avec un H majuscule, dispose de 23 paires de chromosomes, 46 en tout. On hérite la moitié, en général, la moitié du père et l'autre moitié de la mère. Et le chromosome Y est bien particulier dans la mesure où il détermine le sexe masculin. C'est un chromosome sexuel, donc, comme le chromosome X. Et puis, l'homme, cette fois-ci avec un H minuscule, c'est-à-dire le mâle, moi par exemple, porte un chromosome Y et un autre chromosome X. La femme, quant à elle, comme vous, je dirais, porte deux chromosomes X. Le chromosome Y mesure un tiers de la taille du chromosome Y. Le chromosome Y mesure un tiers de la taille du chromosome X et contient environ 10 fois moins de gènes. Et on compte en général une centaine de gènes environ. Et le plus caractéristique de ces gènes, c'est le gène SRY pour Sex Determining Origin Y, qui détermine les caractéristiques mâles des individus. Ce gène code une protéine appelée le facteur déterminant des testicules qui va contrôler donc le développement des testicules et par conséquent les autres caractères mâles. Pour résumer, sans ce gène SRY, on ne peut pas avoir des testicules matures et fonctionnels. Ouais, donc ce gène SRY, sans ce gène SRY, bah, il n'y aurait pas d'hommes. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait juste des femmes sur Terre, par exemple? Dans un sens, oui, avec une petite extinction d'espèces au passage, mais ce gène est au centre du déterminisme sexuel des individus. Il arrive des fois que le gène contienne une mutation ponctuelle qui va bloquer donc l'expression de ce gène. Ce qui arrive alors dans ce cas-là, c'est que c'est des problèmes qu'on peut imaginer. Par exemple, il va y avoir un mâle XY, donc il a les deux chromosomes XY. Mais dans son patrimoine génétique, mais il va présenter des caractéristiques plutôt féminines au niveau de la voix, par exemple, ou de l'anatomie. C'est comme des mâles, quelque part, un peu efféminisés. Mais comment on en est arrivé là? C'est que l'histoire du chromosome Y est assez particulière et n'a pas été de tout repos. En 300 millions d'années, à peu près, il a perdu les deux tiers de sa taille, comme je vous l'ai mentionné précédemment, à cause des inversions sur différentes portions du chromosome et qui ont dégénéré avec le temps et ont été perdues, contribuant ainsi à le faire rétrécir. Mais malgré tout ce parcours un peu mouvementé, il a su garder quand même son gène central, le SRY. Donc, et puis, il faut savoir aussi que le chromosome Y a fait preuve d'une certaine résistance parce qu'il n'a pas été complètement... Il n'a pas été éliminé, oui. Complètement. Il n'a pas disparu. La dégénérescence semble un peu stoppée depuis environ 25 millions d'années grâce à l'existence de quelques séquences répétitives capables de corriger en interne ces mutations. Globalement, je peux dire que le chromosome Y donne l'impression de s'être recroquevillé ou concentré sur soi-même et concentré sur son cœur de métier, à savoir d'abord déterminer le sexe masculin et puis fabriquer les spermatozoïdes. Alors donc, d'où la question que se posent certains généticiens. Combien de gènes sont indispensables à cette double tâche? C'est deux tâches. Est-ce qu'il y a deux gènes nécessaires ou est-ce qu'il faut les 100 gènes du chromosome Y? Justement, si l'on croit cette étude américaine publiée dans Science, la bonne réponse, du moins chez la souris, c'est la réponse minimale, c'est-à-dire deux missions, deux gènes. L'équipe de l'université d'Hawaï, qui a rédigé cet article, a ainsi utilisé le gène architecte SRY, qui déclenche la différenciation de l'embryon. Donc, comme je l'ai dit, ce gène SRY, qui est au centre de la différenciation des organes génitaux masculins, quelque part, ils l'ont utilisé comme pour faire leur clonage. Et puis, les chercheurs, ils savaient qu'il fallait lui ajouter aussi un deuxième gène parce que le gène SRY n'était pas seul capable d'induire des souris mâles, en fait. Okay. Donc, il fallait ajouter en plus un deuxième gène. Et c'est quoi ce deuxième gène? C'est un gène avec un nom un peu compliqué. C'est le EIF2S3Y. Ouais. Qui débloque en fait le processus de la spermatogénèse, c'est-à-dire qui débloque le processus de fabrication des spermatozoïdes. Ah oui, donc un gène, le SRY, pour le développement des testicules, et voilà. Un autre pour... Et le deuxième pour le développement des spermatozoïdes, c'est ça. Et puis, est-ce que l'expérience a marché? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les chercheurs? En fait, le résultat n'était pas probant dès le départ. Et il restait quelques différences au niveau des testicules par rapport à des souris normales. Et surtout, la confection des spermatozoïdes n'allait pas à son terme. Elle s'arrêtait au stade des spermatites, c'est-à-dire le stade juste avant les spermatozoïdes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait, les chercheurs avec ces deux gènes-là? En fait, ils ont introduit seulement les deux gènes. Introduit dans les souris? Oui, ils ont produit des souris qui avaient juste le gène Y, mais d'accord. Juste avec deux gènes fonctionnels. D'accord. Le chromosome Y, pardon, ouais, mais juste avec deux gènes fonctionnels. Tous les autres ne marchaient pas. D'accord, je comprends mieux. D'accord. Donc ces souris, elles n'avaient pas de spermatozoïdes fonctionnels, des prématures finalement. Oui, d'accord. Ces souris ne pouvaient donc pas avoir de petits, faute de spermatozoïdes. Et puis les chercheurs ont donc décidé de donner un petit coup de main au destin, ou plutôt aux souris, je veux dire, en utilisant une technique de fécondation in vitro. Pour obtenir de la progéniture. Et cette fois-ci, en implantant directement les spermatides dans les ovules. Mm-hmm. Ils ont fait de la fécondation in vitro. Et puis, là par contre, la réponse a été plus positive. Les souriceaux ainsi obtenus étaient sains et une fois adultes, fertiles. Dans l'absolu donc, on peut dire que seulement deux gènes du chromosome Y suffisent pour créer une souris mâle. Mm-hmm. Oui, c'est assez surprenant quand même, assez stupéfiant. Et est-ce que, entre la souris et l'homme, c'est quand même pas tout à fait pareil? Est-ce qu'on peut transposer ces résultats à l'homme? Les auteurs préviennent que ce résultat ne peut pas directement être transposé à Homo sapiens ou à l'homme, car tout simplement, il n'a pas le gène que j'ai cité tout à l'heure, le EIF2S3Y. Qui permet de faire les spermatozoïdes. C'est ça. Ouais. Ce deuxième gène, l'homme ne l'a pas, donc le résultat ne peut pas être transposé directement comme ça. Mais toutefois, il ouvre une intéressante piste de réflexion sur ce que c'est biologiquement la masculinité. Le dernier paragraphe justement de l'étude s'interroge sur l'importance du chromosome Y dans la reproduction masculine. Et pour le dire plus franchement, la question posée directement, c'est « a-t-on vraiment besoin du chromosome Y ?» Oui, est-ce qu'on peut dire alors que le chromosome Y va évoluer vers sa disparition peut-être que ça pourrait avoir des conséquences sur l'homme et sur l'espèce humaine en général, comme tu le disais plus tôt. Il faut faire attention, les chercheurs ne concluent pas que l'on peut se passer des hommes pour la fécondation naturelle des ovules, mais que les hommes pourraient éventuellement se passer de ce petit chromosome qui, jusqu'ici, constituait la marque de fabrique génétique du mâle. L'étude souligne que chez la souris comme chez l'homme, un peu plus de deux gènes sont probablement indispensables pour réussir une bonne reproduction des mâles. Mais rien, finalement, n'oblige ces gènes à demeurer là où ils se trouvent pour fonctionner. Le monde animal est d'ailleurs riche d'espèces dont les mâles n'ont pas ou plus de chromosome Y et se débrouillent très bien avec ce chromosome X. Ah bon ? Comme je peux vous citer les sauterelles, les criquets et les cafards, apparemment ce sont des espèces avec juste... Soit ils ont deux X avec en plus du Y. D'accord. Donc ça veut dire que ces deux gènes essentiels peuvent aller ailleurs. Oui. On peut les retrouver. En fait, pour résumer un peu ce qui est l'objet de l'étude, c'est en gros les deux gènes essentiels qui sont sur le chromosome Y. Si on arrive à les déplacer, à les mettre ailleurs sur un autre chromosome par exemple, on peut tout à fait s'en sortir et avoir des mâles. C'est ça va marcher quand même. Oui. Donc pour conclure, quel est l'impact ou une application, s'il y en a une, à cette étude? Comme l'explique Monica Howard qui a dirigé cette étude sur un site internet, le Science Blog, il pourrait être possible d'éliminer le chromosome Y de la souris dans son intégralité si ces deux gènes étaient installés à des emplacements appropriés, c'est ce que je viens de dire à peu près. Ouais. Et donc on peut aussi envisager de faire jouer leur rôle à d'autres gènes. Et la chercheuse a ainsi précisé qu'elle travaille actuellement à l'identification sur d'autres chromosomes de gènes qui interagissent avec ceux du Y. On peut bien imaginer dans un futur plus ou moins proche disposer de souris unisexes ou asexuées, des souris transgènes, dans lesquelles on va injecter le gène qu'on veut, un gène qui va coder pour le mâle ou un autre qui va coder pour une femelle, et puis obtenir ainsi le sexe désiré. Et puis, dans la lumière des avancements exponentiels de la science de nos jours, cette idée ne relève plus de la fiction, mais des perspectives de recherche que les chercheurs peuvent avoir. Et puis, il faut dire aussi que d'un point de vue connaissance, cette étude, c'est une découverte majeure qui va faire avancer les sciences du développement, de l'embryogenèse ou encore de la fécondation. Mais au-delà, les chercheurs espèrent surtout une éventuelle translation à l'homme quand même, mais plus pour développer des outils de traitement des problèmes d'infertilité masculine. Ah oui, je comprends, parce qu'en comprenant mieux le mécanisme, on peut trouver d'autres, on sait un peu comment jouer. Si on comprend un peu comment les gènes contrôlent le devenir de l'homme ou du mâle, on peut en tirer beaucoup d'informations pour traiter des problèmes. Oui, puis c'est quand même une question importante, parce qu'on entend dire que la qualité, la quantité des spermatozoïdes produits par l'homme aujourd'hui est un peu décroissant. C'est vrai que c'est un problème de plus, qui revient de plus en plus en actualité. Surtout, c'est assez relié quand même à la pollution. S'ils ont trouvé que ça affecte surtout la qualité des spermatozoïdes et leur quantité. Donc ça peut, donc sur la fertilité masculine, donc des études comme celle-ci, elles ont leur pertinence. C'est pas juste une question philosophique, ça a leur pertinence. C'est vrai, c'est surtout qu'on n'a pas encore de remède miracle ou vraiment de solution globale ou générale quant au problème d'infertilité masculine surtout. Bien, merci beaucoup Mustapha de cette chronique donc sur le devenir du chromosome Y. On va partir en pause musicale sur CKRL, mais restez avec nous, on a des choses à vous raconter sur les habitudes alimentaires des Québécois.